la vie, elle est très courte pour sa vie triste. Plus après que moi, tu meurs. Un milliardaire, quand il dort, il se réveille, il est toujours milliardaire. Moi, c'est exactement pareil. Je me sape 24 heures sur 24. La sape, c'est pour faire vivre mon corps. Je conseille à tous les sapeurs de dormir sapés et de se réveiller sapés. Merci.